Futur Simple va se poursuivre en revenant sur Terre et je devrais dire plutôt en revenant sur mer, car depuis plusieurs années, les professionnels de la santé répètent le même discours. Manger du poisson, c'est bon pour la santé, mais un poisson dans l'assiette, c'est aussi un poisson de moins dans l'océan. Alors, pour répondre à la demande mondiale sans cesse croissante, l'industrie de la pêche et des produits de la mer ont recours à la surpêche, une pratique qui n'est pas sans conséquence sur l'environnement marin. Et c'est une grande menace qui pèse actuellement sur les océans. Alors, si on parlait cette fois-ci de santé des océans, autrement dit de pêche durable, eh bien, c'est ce que nous allons faire avec Geneviève Ouellette-Saint-Hilaire, qui était chroniqueuse déjà l'année dernière à Futur Simple et que je suis heureuse d'accueillir cette année encore. Bonjour Geneviève. Bonjour Valérie. Alors, bonjour Geneviève. Avant d'entrer dans le vif du sujet, explique-nous, Geneviève, ce qui fait que le poisson est bon pour la santé. Oui, en fait, le poisson, c'est une bonne source de protéines, un peu comme la viande. Mais contrairement à la viande, le poisson est faible en gras saturé. Donc, saturé, c'est des moins bons gras pour la santé du cœur. Et il est riche en oméga-3, donc un bon gras pour le cœur. Donc, ce sont les oméga-3 qui sont contenus dans le poisson qui sont responsables des effets bénéfiques sur la santé humaine. Et il est bien démontré dans la littérature que les oméga-3 sont associés à la santé du cœur, des yeux et du cerveau. Et d'ailleurs, à cet effet, c'est pour ça que le Guide alimentaire canadien recommande de consommer au moins 2 portions par semaine de poisson ou environ 150 grammes pour aller chercher ces précieux oméga-3, entre autres. Le poisson est donc attrayant pour le consommateur parce qu'il est riche en protéines et en oméga-3 et il est faible en gras saturé. Donc, c'est pourquoi qu'on entend souvent là, que le poisson est bon pour la santé. D'accord. Et est-ce que le fait que le poisson soit bon pour la santé influence sa consommation? Je veux dire par là, est-ce que au Québec, la consommation de poisson augmente? Oui, en fait, selon le rapport « La consommation alimentaire et les apports nutritionnels des adultes québécois » qui a été publié là, en 2009 par l'Institut national de santé publique du Québec, la consommation de poissons et de fruits de mer au Québec en 2004 a légèrement augmenté, mais de façon non significative par rapport à 1990. Donc, la consommation est passée de 15 grammes à 19 grammes par jour. Donc, si on le rapporte en semaine, là, ça fait 133 grammes par semaine. Ce qui fait que la consommation de poissons et de fruits de mer se situe toujours en deçà de la recommandation d'au moins 2% de poissons par semaine qui est suggérée là, par le Guide alimentaire canadien. Mais attention, les dernières données remontent à 2004. Mm-hmm. Donc, évidemment, la consommation de poissons a peut-être changé avec le temps, mais je n'ai pas les données là, qui peuvent appuyer cela. Et puis, au niveau mondial, est-ce qu'il y a des données qui supporteraient une augmentation de la consommation de poissons et aussi des fruits de mer? Oui, il y en a. Selon le rapport, la situation mondiale des pêches et de l'aquaculture publié en 2014 par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la consommation de poissons continue d'augmenter d'année en année. Mm-hmm. En 1960, elle se situait à 10 kilos par habitant par année. Et en 2012, elle s'est élevée à plus de 19 kilos par habitant annuellement. Ça a presque doublé. Oui, donc 19 kilos par habitant annuellement, je l'ai converti en semaine, ça fait 365 grammes par semaine. Ah oui. Donc, si on la compare à celle du Québec, la consommation de poissons au niveau mondial est nettement supérieure à celle du Québec. Et de plus, dans ce rapport-là, on apprend que le poisson représente annuellement 17 % de l'apport en protéines animales. Donc, c'est à peu près 1/5 des protéines animales qui vont être consommées dans le monde qui vont provenir du poisson. Donc, c'est pas négligeable. Non, donc de là, on comprend qu'effectivement, si on mange tout ce poisson, bien, il faut aller le chercher. Ce poisson, il faut le pêcher. Donc, beaucoup de navires en mer sillonnent les mers pour pêcher le poisson. Beaucoup, beaucoup de navires. L'ONU, dans le même rapport que je vous ai cité plus tôt, a estimé qu'il y avait 4,7 millions de navires de pêche dans le monde en 2012. 4,7 millions? Oui. Ah oui, ça, c'est quand même considérable. C'est même effrayant. Et peut-être même que c'est beaucoup trop d'ailleurs, mais en même temps, ça fait vivre des gens. Il y a des gens pour qui c'est la pêche, c'est leur revenu aussi. Oui, tu as bien c'est raison, pas seulement Valérie. C'est pour manger, mais parce que par leur revenu. Oui, effectivement. Et dans le même rapport que j'ai cité plus tôt, l'ONU a estimé que c'est de 10 à 12% de la population mondiale qui va tirer ses revenus de la pêche ou de l'aquaculture en 2012. Et cette répartition mondiale-là de l'emploi va comme suit. Là. Je vous cite 84% des travailleurs qui vont provenir de l'Asie, 10% d'Afrique, 4% de l'Amérique latine et 2% des autres pays au total. Donc, On voit qu'en fait, c'est la quasi-totalité des travailleurs pêcheurs là, qui sont en Asie. Oui. Et donc pour eux, donc la pêche c'est leur principal moyen de subsistance parce qu'ils mangent, mais parce qu'ils en tirent des revenus. Et ce qui on peut se poser des questions, le poisson dans tout ça, il se porte comment? Est-ce qu'on c'est une raison pour s'alarmer des stocks de poissons? Oui, effectivement, de tous les stocks de poissons qui sont contrôlés par l'ONU, 10% des stocks sont sous-exploités. Donc il n'y a pas de crainte à ce niveau-là. 61% des stocks sont pleinement exploités. Ouais, donc faut pas dépasser la quantité. Faudrait pas, effectivement, et 29% qui sont surpêchés. Ouais. Et il est là le problème dans toute cette histoire-là, c'est une des problématiques qui pèse actuellement sur les océans, c'est vraiment la surpêche. Et une des solutions pour contrer ce problème-là, eh bien, c'est la pêche durable. Mais justement, qu'est-ce qu'on entend en fait par pêche durable? Oui, en fait, selon la fondation de David Suzuki, un produit de pêche durable, c'est un produit qui est pêché ou cultivé de manière à maintenir ou accroître la production à long terme, sans mettre en péril la santé ou la fonction de la vie marine dans les océans. Donc, en d'autres mots, la pêche durable part du principe aussi simple que les ressources marines ne sont pas infinie. Elle répond donc aux besoins d'aujourd'hui sans compromettre ceux de demain. Donc, comment on peut déterminer finalement si la pêche d'une espèce est durable? On observe les quantités qu'on pêche et les quantités qui restent dans la mer? En fait, il existe plusieurs critères. Ce serait un petit peu trop laborieux, là, à mon avis, de tous vous les énumérer, mais grosso modo, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut assurer que l'espèce soit en santé. Donc, par santé, ce que je veux dire, c'est que la population soit abondante et que l'espèce est pêchée de façon à ce que le taux de capture permette un renouvellement suffisant. Et il faut également s'assurer que les méthodes d'exploitation soient durables, donc ce qui veut dire que la méthode de pêche qui est utilisée ne doit pas nuire aux autres espèces ni à l'environnement dans lequel ils évoluent. Ouais, ben justement, si tu nous parlais des techniques de pêche. Oui, ben en fait, il en existe plusieurs. C'est un vaste sujet en soi finalement. Oui, ça aurait pu faire une chronique en entier. En fait, il y a certaines techniques de pêche qui font beaucoup jaser depuis quelques années car elles ont un impact vraiment dévastateur sur la faune et la flore marine. Et donc, en plus de détruire l'habitat marin, ces techniques de pêche-là vont capturer d'autres animaux marins non désirés la plupart du temps, comme les requins, les tortues ou les dauphins. Donc, je prends l'exemple de la technique du chalut de fond qui racle carrément le fond des mers pour aller récolter tout ce qu'il peut. Et le chalut pélagique qui, lui, va capturer tout sur son passage, mais à l'aide d'un filet. Et à l'opposé, les pêches durables, est-ce que c'est tout le contraire de ces techniques-là, j'imagine? Oui, exactement. C'est que les techniques les plus durables n'ont pas d'impact sur les fonds marins et ils vont capturer uniquement là où les espèces là, qui sont ciblées au préalable. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'elles sont non destructives. Non destructives et sélectives. Donc, c'est notamment le cas là, de la pêche à la ligne et à l'hameçon. On ne fait pas de la grosse pêche commerciale, peut-être, par contre, avec ça. Les compagnies arrivent quand même à vendre leurs produits, mais en fait, la pêche à la ligne et à l'hameçon, c'est un ensemble de techniques de pêche qui ont recours à de courtes lignes munies chacune d'un hameçon. Et il existe plusieurs techniques, en fait, celle manuelle avec la ligne à gré sur des cannes, comme les bonnes vieilles cannes à pêche. Il y a celle à la traîne aussi ou à la turlute. Dans tous les cas, la pêche est beaucoup plus sélective que les autres techniques de pêche. En fonction de l'hameçon qu'on met, peut-être? Oui, bien en fonction de... En fait, c'est un à la un. Ouais. Donc, ça ne détruit d'aucune manière là, les fonds marins. Donc, c'est souvent la technique de pêche là, qui va être utilisée pour pêcher certaines espèces de thon. Ben Geneviève, je propose que, justement, tu nous parles du thon après la pause musicale. Et pour rester dans le sujet, dans le ton du sujet, ben, je propose qu'on écoute le groupe Interférence Sardine qui va interpréter un autre poisson dans le mur. Vous écoutez Futur Simple sur CKRL au 89.1 et je suis toujours en compagnie de Geneviève Ouellette-Saint-Hilaire qui nous parle de pêche durable. Alors Geneviève, avant la pause musicale, tu parlais du thon et ça me fait penser qu'il y a tellement de marques de thon en boîte à l'épicerie qu'on ne sait jamais trop comment s'y retrouver, lesquelles choisir finalement. Comment reconnaître une conserve de thon qui a été pêchée de façon durable? Est-ce qu'il y a des trucs? Oui, en fait, c'est vrai, Valérie, qu'avec toutes ces marques, il peut s'avérer difficile de faire vraiment le bon choix. Depuis plusieurs années, Greenpeace classe chaque année les 14 plus grandes marques de thon en fonction de plusieurs critères quant à leur politique et pratique d'approvisionnement en thon durable. Alors, ces critères-là, en fait, il y en a 7. Donc, il est question de la politique en matière de durabilité, de la traçabilité jusqu'à la source, des techniques de pêche utilisées, des espèces de thon offertes sur le marché, de l'étiquetage et de l'éducation des consommateurs, du soutien à la mise en place de réserves marines et de la promotion de changements à plus grande échelle au sein de l'industrie, et finalement, du non-recours aux produits illégaux non déclarés et non réglementés. Donc, ça fait beaucoup de critères. Oui, donc ça fait pas mal de critères. Et donc, une fois que tous ces critères sont vérifiés, qu'est-ce que nous apprend le classement de Greenpeace? Oui, en fait, le dernier classement de Greenpeace remonte à 2013. Donc, on y apprend que Cloverleaf, qui est la plus grande marque de thon non durable au Canada. Non durable? Oui, puisqu'elle figure au dernier rang des 14 plus grandes marques évaluées. Et à l'opposé, il y a Raincoast Trading qui remporte le premier rang, suivi de Wild Planet. Donc, pour les curieux qui nous écoutent, ce sont deux marques qui se retrouvent généralement dans les allées des aliments biologiques, dans les épiciers, et il faut s'attendre à payer un coût un peu plus élevé que les autres marques. Alors, si vous voulez connaître vraiment à quel rang figure la marque de thon que vous consommez, je vous suggère de consulter le dernier classement qui est en format PDF là, sur le site Internet de Greenpeace, ou si vous avez un cellulaire, de télécharger l'application mobile Guide des conserves de thon éco-responsable. D'accord. Parce qu'on parle du thon depuis un moment, c'est intéressant, mais je me questionne aussi sur les autres espèces de poissons et de fruits de mer et sur lesquels il faut autant faire attention. Est-ce qu'il y a des outils pour aider le consommateur pour faire un choix éclairé en termes de durabilité de la pêche? Oui, il existe plusieurs outils là, qui vont provenir de divers organismes, un peu comme Sea Choice, Sea Food Watch, la Fondation David Suzuki, etc. Donc, la plupart des outils actuels vont classer les poissons et fruits de mer là, en trois principales listes. Donc, il y a la liste rouge, jaune et verte. Donc, la liste rouge, vous comprendrez que ça comprend des poissons qui ne sont pas issus de la pêche durable. Et comme vous le savez, il y a plusieurs espèces de poissons qui sont actuellement menacées. Donc, selon moi, il est impératif d'éviter de consommer là, des poissons qui vont figurer dans cette liste-là. La liste jaune, elle regroupe des poissons qui suscitent certaines préoccupations quant à leur conservation à raison des niveaux actuels et des techniques de pêche qui sont utilisées. Et la liste verte, vous l'aurez compris, ça regroupe des poissons là, qui vont être issus de la pêche durable. Et donc, ce sont des poissons que les consommateurs sont invités là, à privilégier. Il faut savoir aussi que la méthodologie employée diffère d'un organisme à l'autre. Donc, ça se peut qu'il y ait des différences là, c'est ça. Dans les listes existantes. Mais ça donne une petite idée, de façon générale, là, de ce qui est à privilégier finalement et de ce qui était à éviter. Mais est-ce que tu peux nous parler de l'un de ces outils quand même? Oui, je vais vous en parler de un. Je vais vous parler de celui de Greenpeace Canada. Donc, c'est une liste qui regroupe. Je vais vous présenter la liste rouge, en fait. Donc, elle contient 21 espèces qu'il faudrait éviter de consommer. Et donc, d'une part, on retrouve vraiment l'information lorsqu'on clique là, sur l'espèce sur Internet, on peut obtenir l'information additionnelle qui va nous permettre de connaître les raisons qui font que l'espèce figure dans la liste rouge. Et d'un autre côté aussi, les pêcheries qui sont à éviter. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est l'endroit où ce que l'espèce est pêchée. Et donc, je prends l'exemple d'une espèce, donc la morue de l'Atlantique. Greenpeace considère qu'elle est sur la liste rouge. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il semble que les stocks de morue soient surexploités et que les pêcheries de morue ont souvent recours à des méthodes destructives, comme le chalutage de fond. Et certaines pêcheries évitées, Greenpeace prétend que toutes les pêcheries seraient problématiques ou doivent être évitées, sauf celles en opération dans le nord de l'océan Arctique et faisant usage de lignes de palangue, de filets maillants et d'autres types d'engins. Donc, vous comprenez un peu le processus. On clique sur l'espèce, on comprend les raisons pourquoi elles sont sur la liste rouge et on comprend également quel poisson il ne faudrait pas manger, quel type. Mais ça fait quand même beaucoup de choses à souvenir. Donc, comment le consommateur peut se souvenir de tous ces détails quand il est à la poissonnerie puis qu'il veut choisir ses poissons? Oui, effectivement, la mémoire est une faculté qui oublie. Donc, heureusement, il existe des applications mobiles qui permettent d'aider le consommateur là, à faire des choix plus durables. Donc, il existe l'application Sea Food Watch de l'organisme Monterey Bay. Cet organisme-là va classer les poissons et fruits de mer en trois catégories, donc les meilleurs choix, les bonnes alternatives et les espèces à éviter. Et avec l'application, ben, vous n'avez pas besoin de tout vous souvenir de tous les détails par cœur. C'est ça vraiment l'avantage de l'application. Mais même avec une application mobile, il faut quand même que le consommateur soit en mesure de repérer l'information sur l'emballage. Donc, d'une part, l'espèce pêchée, puis sa provenance, et ensuite la technique de pêche utilisée. Et moi, si je me souviens ce qu'il y a écrit sur les poissons que j'achète à l'épicerie, il n'y a pas toutes ces informations. Alors, on fait comment? Oui, en fait, je suis bien consciente que l'information en lien avec la provenance de l'espèce et la méthode de pêche utilisée est plutôt et même très difficile à obtenir la plupart du temps à la poissonnerie. Mais moi, ce que je dis, je recommande aux consommateurs de ne pas hésiter à questionner son poissonnier, surtout si on voit vraiment une poissonnerie qui ne vend que du poisson, finalement. Et je me dis que plus on va être nombreux à le faire, plus le poissonnier aura le souci d'obtenir l'information pour nous la livrer, preuve de transparence. Et parce qu'après tout, il n'y aura qu'un objectif, le poissonnier, c'est de répondre aux besoins des consommateurs. Et si ce besoin-là des consommateurs, ce sont des poissons qui sont issus de la pêche durable, mais il faudrait qu'ils s'adaptent en conséquence si ces ventes veulent qu'elles restent stables. Donc, il faut se rappeler que vraiment manger, c'est voter. Oui. C'est vrai. Ben merci Geneviève de nous le rappeler, de rappeler que nos choix alimentaires ont un impact significatif sur l'environnement aussi, que quand on mange du poisson, c'est peut-être quand on choisit notre poisson, c'est peut-être un geste particulier aussi. Puis qu'il est important de faire des choix responsables si on veut que les générations futures puissent encore manger du poisson. Oui, merci à toi Valérie. Et pour les intéressés, je vais poursuivre sur le sujet la semaine prochaine en vous parlant cette fois-ci de l'aquaculture durable. Alors on a hâte d'entendre ça. Et donc merci beaucoup Geneviève. Mais là, comme il reste un petit peu de temps, j'aimerais passer des poissons aux oiseaux pour annoncer une conférence que les ornithologues de la région ne devraient assurément pas manquer. Alors les ornithologues connaissent très certainement Suzanne Brulotte, qui est l'auteur de plusieurs livres d'identification des oiseaux. C'est un peu les best-sellers en matière d'identification des oiseaux. Et elle sera demain vendredi à 19h30 au Montmartre canadien. Ça se trouve au 1669 chemin Saint-Louis à Sillery, pour parler de sa passion des oiseaux. C'est une conférence qui est organisée par le Club des ornithologues de Québec dans le cadre du 60e anniversaire de ce club. Et évidemment, vous retrouverez les détails, si vous n'avez pas eu le temps de les prendre en note, vous les retrouverez sur le site web du Club des ornithologues de Québec.